Le collier perdu par Maurice Level. C'est au casino de Deauville que je vis pour la première fois la comtesse de Robs. Elle était à cette époque dans tout l'éclat de sa beauté blonde. Les uns la disaient slave, d'autres autrichienne, d'autres assuraient que c'était une française qui s'était spontanément anoblie. À la vérité, personne ne savait rien d'elle, sinon qu'elle occupait en Normandie un appartement somptueux, qu'on l'apercevait parfois sur la route de Cabourg, à demi cachée dans son automobile, qu'elle se montrait tout ensemble distante et courtoise, autant que pourrait l'être une archiduchesse, et avait pour tout de suite une demoiselle de compagnie blonde comme elle et comme elle silencieuse. Tantôt elle apparaissait couverte de bijoux, tantôt le col, les bras et les doigts nus, tantôt portant un seul colis de perles d'un orient incomparable. Au jeu, même contradiction. Certains soirs, elle misait à la grosse table avec une prodigalité de milliardaire, perdant ou gagnant sans qu'un muscle de son visage tressaillît. D'autres, elle s'installait à la petite, poussant des sommes modestes avec une attention crispée. Ainsi, et ce n'était pas un des traits les moins étranges de sa nature, il semblait que le gain ou la perte de quelques louis l'impressionnasse davantage que celle d'une liasse de billets de 1000 francs. Il arrivait aussi qu'elle disparût pendant un jour ou deux, partant de grand matin ou à la tombée de la nuit, pour revenir comme elle était partie. Durant ses absences, les volets de son appartement demeurent hermétiquement clos et sa demoiselle de compagnie, désertant le casino, s'installait sous un parasol sur la plage. Un soir, qu'elle jouait à la grosse table avec une malchance persistante, pour la première fois, la comtesse de Robs donnait des signes de nervosité. Au lieu de prendre, comme d'habitude, les paquets de billets, et de les jeter devant elle sans leur faire l'aumône d'un regard. Elle tirait les billets un à un, les froissait, hésitait, se décidait comme à regret, puis, le coup perdu, se levait brusquement comme quelque décavé qui renonce à la partie. Mais l'attrait du jeu demeurant le plus fort, elle se ravisait, s'arrêtait derrière un ponte, se mordant les lèvres s'il abattait, haussant les épaules d'un geste imperceptible si sa main sautait, ne perdant pas de vue entre-temps les autres places, dès que l'une devenait libre, s'y installant avec une sorte de brusquerie. Aussitôt assise, elle retrouvait son sourire, un de ces sourires auxquels nul homme ou femme ne résiste pour ce qu'ils ont à la fois d'enchanteur et de souverain. Entre 11 heures et 1 heure, elle accomplit 5 ou 6 fois le même manège, avec une déveine sensiblement égale. Les joueurs ont de ces superstitions candides qui les portent à croire que la chance a ses lieux d'élection. Il pouvait être 2 heures du matin, et le sabot arrivait à elle, lorsque soudain, portant la main à son cou, elle poussa un cri « Mon collier !» Instantanément, la partie s'arrêta, et tous les yeux se fixèrent sur elle. D'un geste prompt, elle se leva, repoussa sa chaise et se baissa. Ses voisins l'imitèrent. L'émotion fut bientôt si vive qu'aux tables voisines, les mises demeurèrent en suspens. Une seule protestation s'éleva, celle d'un joueur qui s'apprêtait à donner le coup de 7. Cependant, il se dirigea vers la table et s'informa, les curieux étant si nombreux qu'on pouvait à peine approcher. Quelqu'un se trouve mal? Non, la comtesse de Robs qui a perdu son collier. Il sursauta. Diable, c'est qu'elle a quelque chose comme perle. Cette appréciation triviale lui valut un regard glacé de la comtesse. Si peu du monde qu'il fût, son aspect était celui d'un maquignon malgré ou à cause de la recherche de sa mise, il sentit l'offense et pour cacher sa rougeur, se mit à chercher avec acharnement. Mais déjà, surmontant son émotion, la comtesse articulait d'une voix aussi ferme que le lui permettait son angoisse. « Messieurs, merci. Inutile de vous fatiguer davantage. Dès l'instant que ce bijou n'est plus sur moi ou à mes pieds, c'est qu'il est perdu, bien perdu. »« On pourrait voir dans un des autres salons, » risqua quelqu'un. « Monsieur a peut-être raison, » dit un joueur. « Il me semble, madame, que vous ne l'aviez pas il y a un instant. »« Êtes-vous sûr ?» murmura la comtesse. « Presque. Il n'y a pas un quart d'heure, vous étiez assise à côté de moi, et j'ai la sensation de n'avoir pas remarqué de collier à votre cou. »« Moi, » prononça une vieille dame, « je suis presque certaine du contraire. »« Je n'oserais pas être aussi affirmatif, » murmura un jeune homme. « Madame était au 9, moi au 8, il y a 10 minutes, et je n'ai pas le moindre souvenir d'un collier. » Des inspecteurs, appelés en hâte, s'efforçaient de commencer une enquête. La comtesse intervint. « Laissons cela, je vous prie. » La partie ne saurait être interrompue parce que moi, pour la seconde fois, l'homme à l'allure de Maquignon se mêla à la conversation. Elle a du cran, la matine. La comtesse ne put s'empêcher de sourire et dit à son voisin : « Quel est ce gentilhomme ? Le gentilhomme m'entendit et fit un pas, les mâchoires serrées, un rictus hargneux au coin des lèvres. Ensuite, ce rictus se détendit, se mua en une sorte de douceur, puis d'admiration, et la comtesse se retirait, qu'il demeurait les bras ballants et bouche bée. Le lendemain, elle revint au casino. Seuls ceux qui étaient au courant de l'incident purent lire sur son visage la trace imperceptible d'une fatigue et d'une préoccupation. Tout le jour, on avait battu la ville, questionné les gens susceptibles de fournir le moindre renseignement, arrêté, puis relâché quelques individus suspects, en pure perte d'ailleurs. La demoiselle de compagnie elle-même avait été longuement interrogée, mais ses réponses étaient demeurées vagues. Madame de Rops, disait-elle, mettait et retirait ses bijoux avec une telle fantaisie qu'il était impossible d'assurer, à la minute où on venait de la voir les prendre, qu'elle les porta encore l'instant d'après. Deux détectives du casino spécialisés dans ces sortes d'affaires émettaient des hypothèses différentes. Pour l'un, il y avait eu vol, sans hésitation possible. Pour l'autre, il était absurde de voir un drame où il n'y avait qu'un accident banal. Ce dernier devait sa réputation et ses succès à une méthode sage. « Avant de partir sur mes grands chevaux, disait-il, je commence par me demander si le hasard n'est pas le seul coupable. Avant de renifler le vol, je flaire les tourderies, et 9 fois sur 10, je m'en trouve bien. » Il avait raison, ou du moins tout portait à le croire, car le deuxième jour, au milieu du déjeuner, au grill-room du casino, à l'heure où il n'y a plus une table de libre pendant la grande semaine, celui que la comtesse avait appelé le gentilhomme entra en coup de vent, congestionné, sa grosse figure fendue d'un large sourire et criant « Où est Madame de Rops ?» La comtesse fronça les sourcils. Il ne prit pas garde à son air courroucé et, se précipitant vers elle, octa d'une voix triomphante « Le collier, votre collier, madame. Est-ce bien lui ? Oui, n'est-ce pas ? Ah, c'est une chance. On peut dire que vous êtes verni. » Cette fois, la comtesse ne s'offusqua pas du terme. Du bout de ses doigts qui tremblaient, elle égrenait les perles. Lui la contemplait avec extase. Quand elle les eut toutes touchées, caressées, elle leva les yeux sur le brave homme. « Je vous remercie infiniment. Comment puis-je vous dire ? Mon plaisir ? Ma reconnaissance ?» Un signe qu'il fit exprima que la joie de lui parler était la plus belle récompense. Alors elle poursuivit. « Et où l'avez-vous trouvé ? Sur la plage, madame, sur la plage, c'est à n'y pas croire. Un jour de marée forte, nous étions faits. Adieu, collier. Songez que la mer, en montant, ne s'est pas arrêtée à 1 mètre de lui. Ce qui m'a guidé, car la plage est grande, c'est la place où d'habitude votre demoiselle de compagnie vient s'asseoir quand vous n'êtes pas là. Il en était à 2 mètres. Quel hasard merveilleux en vérité, murmura la comtesse. J'étais allé avant-hier quelques minutes avant d'entrer au casino pour respirer un peu. Je remercie profondément, infiniment. Maintenant, la présence de cet homme la gênait. C'eût été un ouvrier, un marin, un employé, elle eût su de quelle manière clore l'entretien, un pourboire royal, mais avec celui-ci, à rustre sans doute, mais riche, il en allait d'autre sorte. Du reste, il arrêtait toute manifestation de gratitude. N'est-ce pas naturel ? Il en devenait sympathique, malgré son air bourru et ses propos communs. Son tort fut de laisser voir trop clairement ses sentiments. « Il n'y en a plus d'un ici qui donnerait gros pour être à ma place. Ce n'est pas dire que vous soyez mon obligé. Ah, mais non !» Il faisait ainsi allusion à la rare faveur que le hasard lui offrait de parler à cette grande dame si hautaine et si belle, et profitant de l'occasion que lui offrait le départ d'un couple assis à une table voisine, il s'y installa. Le déjeuner parut interminable à la comtesse de Rops. Bon gré, mal gré, il lui fallut répondre aux propos de son trop aimable voisin. Elle se leva enfin, il la suivit, et s'arrangea de façon à la faire monter en automobile. Cette dernière familiarité acheva de l'exaspérer. Elle esquissa un sourire, tendit une main molle et donna un ordre à son chauffeur. Le soir, elle ne parut pas au casino. L'homme la chercha de table en table. Le lendemain, on ne la vit ni sur les planches ni sur la route. Le surlendemain, on remarqua que, bien que ses volets fussent clos, sa demoiselle de compagnie n'était pas sur la plage. 48 heures plus tard, le gérant de Normandie donnait son appartement, désormais libre, à des voyageurs. Pendant quelques heures, on parla encore de l'incident. Les uns voulurent voir dans ce brusque départ une manifestation nouvelle de ses caprices. D'autres l'attribuèrent au fait qu'excédée par l'insistance indiscrète du gentilhomme, elle avait trouvé ainsi moyen de mettre un terme à une situation ridicule et gênante. et l'on s'occupa d'autre chose. 2 années s'écoulèrent, et j'avais oublié l'incident, quand, me trouvant à Saint-Sébastien, j'aperçus un matin sur le nouveau boulevard qui longe la mer la comtesse et sa demoiselle de compagnie. Le soir, au casino, le hasard fit que je me trouvais assis en face de la comtesse. Je remarquai tout d'abord qu'elle ne portait pas son collier. Elle jouait avec une certaine distraction, ne risquant que de petits coups. Cependant, vers minuit, elle s'anima et bientôt se mit à perdre. Alors, l'expression qu'avait son visage le soir de Deauville reparut. Comme à Deauville, elle se leva, changea de place, se leva encore, insouciant de manifester sa nervosité. À côté de moi, quelqu'un dit « Lady Crockwell n'a pas l'air en forme ce soir. Regardez ses mains. Quand elle perd, ses ongles ont l'air de vouloir griffer le tapis. » La comtesse, les doigts crispés, s'énervait visiblement, et ce détail répondait si bien à la réflexion de mon voisin que je ne pus m'empêcher de lui demander. « C'est de la jolie femme blonde qui nous fait vis-à-vis que vous parlez. »« Oui, monsieur, » me répondit-il. « Tiens, » murmurai-je, « voici qui est curieux. Je viens de vous entendre prononcer le nom de Lady Crockwell. Ou je me trompe fort, ou ce nom n'est pas le sien. Elle s'appelle comtesse de Hobbs. » « Je crois, monsieur, que vous faites erreur. Je dirais même que j'en suis sûr. Elle habite le même hôtel que moi. Son mari était Lord Crockwell. Elle est veuve depuis quelques années et vit sur ces terres qui sont dans le Yorkshire. » La précision des détails me laissa hésitant. Qu'une telle ressemblance pût exister, cela ne tenait-il pas du merveilleux? Juste à cette seconde, celle que je nommais comtesse de Hobbs et que mon interlocuteur désignait sous le titre de Lady Crockwell poussa un cri « Mon collier !» Alors la scène de Deauville se reproduisit point par point. Comme à Deauville, elle se baissa, chercha ses pieds et se releva très émue en disant « Inutile de chercher, s'il n'est pas là, c'est qu'il est perdu. » Comme à Deauville, quelqu'un émit cette réflexion « Êtes-vous sûr, madame, que vous l'aviez sur vous ?» À quoi une autre personne répondit « Je l'ai vu au cou de Lady Crockwell. » Et la discussion se prolongea, celui-ci affirmant l'avoir remarqué, celui-là protestant que c'était pure illusion. Mais où l'événement me laissa béant de surprise, ce fut quand un homme, que j'identifiais instantanément avec le gentilhomme de Deauville, intervint. Par quel caprice du hasard, cet homme et cette femme, entre lesquels n'existait aucun lien apparent, se trouvaient-ils rapprochés pour la seconde fois et dans des circonstances identiques? À ce moment, comme l'inconnu s'empressait à chercher sous la table et que la comtesse se dirigeait vers la sortie, un monsieur s'approcha de lui et dit à mi-voix « Suivez-moi ». L'inconnu se redressa. « Vous suivre ? Où ? Et pourquoi ? Vous le saurez, mais suivez-moi. » L'inconnu éleva le ton et protesta avec véhémence. « Ah ça, que signifie ? Et qui êtes-vous pour vous permettre de me parler sur ce ton ?»« Allons, » sourit son interlocuteur, « je vois qu'il faut tout vous dire. Je suis inspecteur de la sûreté et me voilà forcé, bien malgré moi, de vous mettre en état d'arrestation. » La comtesse, qui n'était éloignée que de quelques pas, avait entendu ce colloque. Au dernier mot, elle obliqua très vite. Mais avant qu'elle eût franchi les portes du salon, un homme la rejoignit et d'un ton qui n'admettait pas la réplique, intima « Doucement, si vous ne voulez pas que je vous passe le cabriolet comme à l'autre. » Elle n'eut ni un cri ni une révolte. Au contraire, elle haussa les épaules avec une sorte de résignation cynique. Cela s'était passé si vite que les deux groupes avaient disparu quand la stupeur des assistants permit à l'un d'eux de demander « Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il trichait ?»« Mieux que ça, » répondit son voisin. « Des voleurs de profession. » Vous pouvez m'en croire, leur filature m'a donné assez de mal. Lady Crockwell, une voleuse. Lady Crockwell, Virginie Farg, voulez-vous dire. À moins que ce nom soit encore un nom usurpé comme celui de comtesse de Hobbs, de baronne Le Horde, de Clarice Jenry, de Sonia Denikin, et tous ceux sur lesquels elle opère depuis 10 ans. Quant à lui, un nervi de Marseille, recherché par toutes les polices du monde, et qui toujours nous a glissé entre les doigts. Oh, une riche équipe. Sans compter la demoiselle de compagnie que nous avons cueillie la première. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils volaient ? Des bijoux, et par un procédé vraiment nouveau, en ce que leur façon d'opérer les mettait presque infailliblement à l'abri. Lui dérobait un collier, il s'était spécialisé dans ce genre de joyaux, elle le portait ostensiblement, puis faisait semblant de le perdre dans un lieu public où il était parfaitement connu. Aussitôt il intervenait, simulait l'admiration, le coup de foudre, partait à la recherche du trésor, le trouvait par une chance miraculeuse, et le lui rapportait ostensiblement. Dès lors, comment douter que ces perles fussent la propriété de la matine? C'était une manière parfaite d'authentifier son bien. 2 jours plus tard, ayant levé le camp pour échapper, en apparence, à la cour indiscrète de cet homme, elle pouvait vendre en toute sécurité le sautoir en donnant le nom sur lequel elle l'avait perdu un moment. Ils ont fait le coup plus de 20 fois, et toujours avec un bonheur égal. Malheureusement, le tour devenait difficile. Pour qu'il réussît, il fallait qu'il fût exécuté chaque fois dans un lieu différent, et surtout que personne n'en vît la répétition. Or, ils avaient opéré à Biarritz il y a 8 ans. Ils eurent l'imprudence d'y revenir, croyant qu'après la guerre, on les aurait bien oubliés. Ils se sont trompés, voilà tout. Ainsi s'achève Le collier perdu par Maurice Level.